de combat. Yeah, j'arrive armé d'un 16 mesures d'acier de flow, carnassier, cadenassier, casser des poils à vie passée dans les dossiers. Je me présente, monsieur ministre, go, parti socialiste, activiste depuis 4 ans, match un vrai feu d'artifice. Je suis prêt à batailler dur et ferme, dans mon épiderme, d'autres préfèrent se tailler les veines ou dissimène. Je suis pas un déserteur, j'ai le courage d'un Jedi, la magie d'Harry Potter pour amener des médailles. Pour certains, la vie ne leur a pas fait de cadeau, se consoler à l'autre vie, développe leur libido, mettre au boulot dodo. C'est la routine qui les perce, de nos jours les ados ont tous leur propre commerce. Les crimes qu'ils commettent passent le soir aux infos, info et talks, peu m'importe que ce soit vrai ou faux. Pense à ces enfants qu'attendent leurs épisodes des Simpsons. Mais au lieu de ça, c'est l'exode du mal qui les absorbe. La vie est un combat, ne baisse pas ta garde, essuie-moi ces larmes. Bats-toi comme un homme, car c'est dans les cordes que les meilleurs s'en sortent. Appelle-moi colonel de God, d'abord j'disperse la poutre et puis j'allume le feu go. Ismaël compatriote au mic caché dans les tranchées, lutter contre toute cette haine envers les étrangers, envers les injustices que subissent les palestiniens. J'suis pas anti-juif, j'essaye juste d'être un être humain. Lever les mains, serrons le poids, luttons tous soudés comme des maillons d'une chaîne que nul ne pourra briser. Yes weekend, voici un bien beau slogan lancé par Obama. Chaque week-end assis sur un banc avec la bouteille d'Havana. Lutter contre l'alcool, les drogues, les viols, jamais lâcher l'école, les potes, être un bonhomme. Être ou ne pas être, demande donc à Shakespeare. Enfermé de mon mal-être, la réprimande je l'expire. À travers ce combat que nous menons qu'est la vie, une dernière pensée pour les victimes de Gaza et Tel Aviv. La vie est un combat, ne baisse pas ta garde, essuie-moi ces larmes. Bats-toi comme un homme, car c'est dans les cordes que les meilleurs s'en sortent. De la vie est un combat, lève les poings bien haut, essuie-moi ces larmes et l'expérience. Ils savent qu'il faut se battre contre le haram. On vit une époque de malade, le diable nous tient en laisse et parfois nous balade. Mais la foi quand tu tombes te rattrape, la pousse lâche des bombes. Dans ce monde les gens pleurent et de larmes nous inondent. Et on compte un drame chaque seconde. À l'heure où les rires et les délires ont été remplacés par le pire, tu peux lire dans nos yeux qu'on veut vivre libre. Il faut se battre comme un lion avant qu'arrive ton heure. On est tous prisonniers de douleur. C'est Ismaël et Inox sur ce morceau. Il faut se battre et on le fait depuis le berceau. La vie est un combat, ne baisse pas ta garde, essuie-moi ces larmes. Bats-toi comme un homme, car c'est dans les cordes que les meilleurs s'en sortent. De la vie est un combat, lève les poings bien haut, essuie-moi ces larmes et l'expérience deviendra ton arme. La vie est un combat, ne baisse pas ta garde, essuie-moi ces larmes. Bats-toi comme un homme, dans les cordes que les meilleurs s'en sortent. De la vie est un combat, lève les poings bien haut, essuie-moi ces larmes et l'expérience deviendra ton arme.